Sur France Inter, il est temps pour nous de retrouver Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Cela faisait déjà un certain temps que j'avais interrogé M. X sur cette affaire. Car comme vous, sans doute, j'ai l'impression que cette histoire cocasse, qui a coûté très cher aux contribuables, n'a jamais été vraiment éclaircie. Mais mon interlocuteur est ainsi fait qu'il ne dit que ce qu'il veut bien dire, et qu'il choisit en tout cas son moment. Il éprouve un plaisir évident à toujours rester maître du jeu, lui, et les gens qui l'informent, car j'en suis maintenant persuadé, M. X est au centre d'un véritable réseau de renseignements. Des anciens des services, ou peut-être des gens qui y travaillent encore, lui ouvrent des dossiers sensibles et concourent à son information quand lui-même n'a pas eu directement connaissance des affaires qu'il me raconte semaine après semaine. Lors de notre dernier rendez-vous, M. X a donc bien voulu me parler de cette affaire. Sans doute avait-il pu recueillir suffisamment de détails et de renseignements inédits auprès de ses amis. Alors, de quoi s'agit-il ? Des avions renifleurs, pour reprendre une expression plaisamment inventée par les journalistes du Canard enchaîné. Il faut d'ailleurs tout de suite dire que c'est l'hebdomadaire satirique qui a révélé cette première affaire Elf en 1983 et qui en a fait longtemps ses choux gras. Avant de donner la parole à M. X, je résume à grands traits. La compagnie pétrolière a dépensé une fortune en finançant les études et le développement d'une invention mirifique. La détection aérienne des gisements de pétrole. Ce procédé inédit devait permettre à Elf de faire des forages à coup sûr et donc de réduire ses très coûteux frais de recherche. Malheureusement, l'invention n'en était pas une et Elf a tout perdu, sauf le ridicule. Mais les dirigeants de la compagnie n'ont pas été les seuls à porter la responsabilité de ce désastre, car les autorités politiques de l'époque ont été régulièrement informées et ont donné leur feu vert. Elf était en effet encore une compagnie dont l'État était l'actionnaire majoritaire. Toutefois, la question essentielle est celle-ci. Où est passé l'argent? Et deuxièmement, à quoi a-t-il servi? Dans un instant, les réponses de M. X. Père Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je vous l'ai souvent dit, dès qu'on sent une odeur de pétrole, les services secrets ne sont pas loin. D'autre part, il est notoire que Elf Aquitaine a toujours été un vivier d'agents. D'agents français, quand même. Bien sûr. Pas mal de types du SDEC et aujourd'hui de la DGSE y ont été casés. Ils pourraient y passer une retraite confortable. Oui, surtout pour continuer indirectement à travailler pour les services. Politique pétrolière et politique extérieure empruntent souvent les mêmes filières. Et les autorités françaises, quelles qu'elles soient d'ailleurs, se sont régulièrement servies de la compagnie pour effectuer des opérations discrètes ou financer tout simplement divers gouvernements ou mouvements. Enfin, j'espère que je ne vous apprends rien. Non, pas grand-chose, non. J'ajoute d'ailleurs qu'Elf Aquitaine, dans les années 70, a disposé d'un service de renseignement interne. Un service secret? Oui, un service qui était en quelque sorte le rival du SDEC, mais qui collaborait avec lui à l'occasion. Ouais, c'est quand même un peu extravagant, ça. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Mais revenons donc à ce premier scandale Elf, hein, un scandale qui n'a rien à voir avec l'affaire d'aujourd'hui. Je veux parler des déboires de Monsieur Dumas et de sa maîtresse. Naturellement. L'histoire des avions renifleurs commence en 1976. Et à l'origine, il y a deux personnages pour le moins originaux. Les fameux inventeurs. Les inventeurs, oui. Le premier est un Italien, Aldo Bonaccioli. Un type très pittoresque, hein, si je me souviens bien. Et pittoresque, c'est encore un adjectif bien faible. Bonaccioli est un agriculteur autodidacte, passionné de science et avide de publicité. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de sérieux chez lui, hein? Ça, je n'en sais rien. En fait, si vous voulez mon avis, je crois que ce professeur Nimbus est surtout un excellent manipulateur. Vous voulez dire un prestidigitateur? Oui, il y a du magicien chez Bonaccioli. Et même si incontestablement, il a quelques connaissances en physique et en électronique. Et l'autre, là, le deuxième? C'est un aristocrate, le comte Alain de Villegas de Saint-Pierre-Jette. Mais nous dirons Villegas, c'est plus simple. Oui, j'en ai fait, oui. Villegas est né en France, mais il vit en Belgique dans un château proche de Bruxelles. Il est riche? Oui, il jouit d'une fortune personnelle conséquente. Et c'est un scientifique? Il a simplement un diplôme d'ingénieur. Mais Villegas est fasciné par la recherche. Et il rêve de découvrir un jour l'invention du siècle. J'ajoute qu'il est aussi persuadé que le monde courra de grands périls en l'an 2000, mais qu'il sera sauvé par les extraterrestres. Oui, c'est un modèle de rationalité, vous dire. Je vous laisse juger. Mais comment ces deux personnages se sont-ils rencontrés? Ça, j'en sais rien. Mais le fait est que dès la fin des années 60, ces maniaques de l'invention sont associés. Mais ils sont associés pour quoi faire? Pour inventer, bien sûr, puisque c'est le dada de Vilgas et de Bonaccioli. Or, justement, ce dernier prétend avoir mis au point un appareil capable de détecter les nappes d'eau souterraines. Une baguette de coudrier, quoi. N'exagérons quand même pas, c'est un système un tout petit peu plus compliqué. Mais ça fonctionne? Ça, je suis incapable de vous le dire. En tout cas, les deux compères ont réussi à intéresser à leur invention un industriel italien, membre par ailleurs de la loge P2, qui les finance généreusement. Donc cette invention n'était peut-être pas aussi fumeuse que cela, hein? Aucune idée. Enfin, l'important, c'est que les deux inventeurs ne se contentent pas de chercher de l'eau. Bientôt, Bonaccioli, le technicien du couple, se dit que son appareil pourrait bien repérer d'autres liquides, et en particulier les nappes de pétrole. Mais vous avez l'air de dire que Bonaccioli croyait vraiment à l'efficacité de son appareil. C'est un des grands mystères de cette affaire. Bonaccioli était-il un mystificateur et donc un escroc, ou était-il un inventeur convaincu? Vous avez bien un avis, vous. Là, je vais encore une fois vous décevoir, je n'ai aucune certitude. Mais ce que je sais, c'est que, mystificateur ou pas, Bonaccioli et Villegas ont été eux-mêmes manipulés. Manipulés par qui, hein? J'essayais encore de mettre la charrue avant les bœufs. Bon, laissez-moi d'abord vous raconter chronologiquement cette histoire. Bon, allez, je vous écoute. Donc, Bonaccioli pense au pétrole. Et d'abord parce que c'est financièrement beaucoup plus intéressant que l'eau. Oui, ça me paraît évident, ça. Parce que ce qui coûte très cher, ce sont les recherches. Il y a bien sûr des études géologiques qui sont faites en surface, mais ensuite, il faut pratiquer des forages pour confirmer ou infirmer la présence de pétrole. Et c'est très coûteux. La méthode Bonaccioli, elle, est beaucoup plus économique puisqu'il s'agit seulement de survoler les zones à prospecter avec un avion équipé de son appareil. Ouais, l'appareil a reniflé le pétrole. Oui. Et ça fonctionne comment, ça? La machine est censée détecter des ondes gravitationnelles. Et elle restitue sur un écran la composition du sous-sol survolé par l'avion. Admirable, non? Alors, en tout cas, présenté comme ça, on construit que ça puisse intéresser les pétroliers. N'est-ce pas? Et très vite, un homme s'entremet et propose d'aider nos deux inventeurs. Et celui-là, qui? Un avocat français. Bon, appelons-le Maître Blanc. Vous ne voulez pas donner son vrai nom? Non, disons que je veux vous éviter des ennuis, monsieur. C'est très gentil. Alors, qui est cet avocat? Un type très mystérieux qui a joué un rôle très important dans l'histoire de nos services secrets. Qu'a-t-il fait exactement, hein? L'une de ses principales activités a consisté à monter des opérations subversives dans les pays communistes, en se servant en particulier de l'Église. D'ailleurs, Maître Blanc a toujours été considéré comme un homme du Vatican. Oui, mais il était aussi un agent des services français? Oui, il a également travaillé avec d'autres services occidentaux. Un agent multicarte, en fait. Oui, c'est à peu près ça. Et tout à l'heure, on verra dans le détail que Maître Blanc se trouvait au centre d'une nébuleuse particulièrement influente, mais n'anticipons pas. Alors, mais que vient-il faire dans notre histoire? Maître Blanc fait la connaissance de ce Bonaccioli et Villegas grâce à cet industriel italien qui les finance. Mais qui était, m'avez-vous dit, membre de la fameuse loge P2. Oui, le monde est tout petit. Donc Maître Blanc rencontre les deux inventeurs et immédiatement il se propose de les aider. Mais dans quel but, lui? Encore une fois, vous voulez aller trop vite. Maître Blanc, comme vous l'avez bien compris, connaît beaucoup de monde. Et du beau monde. L'un de ses proches amis est Antoine Pinet. Ancien président du conseil, l'homme au chapeau rond. Oui, le retraité de Saint-Chamond. Un homme qui garde une auréole de vieux sage pour tous les hommes politiques de droite qui ne manquent jamais de lui rendre une visite lorsqu'ils sont appelés au pouvoir. C'est juste, hein. Un autre des amis de Maître Blanc est l'un des patrons de l'Union des banques suisses, l'UBS. Un homme de poids, si je puis dire. Oui. Maître Blanc leur parle de l'invention de Bonaccioli et Villegas? Oui, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais comme elle, pourquoi là? Qu'est-ce qu'il cherche? L'objectif, c'est Elf. Or, il se trouve, et ce n'est pas tout à fait un hasard, que cette société contrôlée par l'État est alors dirigée par un ancien ministre du général de Gaulle, Pierre Guillaumat, un homme qui a appartenu au service secret pendant la guerre. Décidément, hein. Comme vous dites. Guillaumat prête donc une oreille particulièrement attentive à Maître Blanc, lorsque celui-ci vient lui parler de l'invention de Bonaccioli et Villegas, et lui affirme que le président Pinet en personne et l'un des patrons de l'UBS encourage l'entreprise. À partir de cet instant, la grande manipulation peut commencer. Étrange personnage que cet avocat que M. X a choisi d'appeler Maître Blanc, un pseudonyme transparent. Car j'ai retrouvé aisément son nom, mais comme mon interlocuteur, je l'appellerai donc Maître Blanc. Pascal Krop, dans son livre sur les secrets de l'espionnage français, l'évoque longuement. Il en fait le principal artisan de l'opération PAX, une opération destinée à soutenir ce que l'on appelait au temps de la guerre froide l'Église du silence, c'est-à-dire les communautés religieuses des pays de l'Est. Cette activité anticommuniste était financée par le SDEC, avec le soutien de plusieurs personnalités religieuses éminentes et proches du Vatican. Maître Blanc était alors un des agents les plus importants de notre service d'espionnage, selon son patron de l'époque, le général Grossin. Mais, en 1970, après l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République, un nouveau patron du SDEC est nommé, Alexandre de Maranches, prenant possession des lieux, s'étonne lorsqu'il constate que l'honorable correspondant Maître Blanc reçoit des émoluments considérables et, semble-t-il, disproportionnés avec les services rendus. Maître Blanc, malgré les importantes protections dont il s'honore, est proprement et simplement viré. Il n'en reste pas moins très proche des services. Ainsi, selon le journaliste Jacques Basselon, qui a publié aux éditions Grancher La République de la fraude, pour lancer l'affaire des avions renifleurs, l'avocat a pris contact avec deux anciens officiers supérieurs du SDEC, dont l'un était le chef de la sécurité du groupe Elf Aquitaine. C'est par leur intermédiaire qu'il a approché le patron d'Elf, Pierre Guillaumat. Une telle confrérie, écrit mon confrère, est une véritable toile d'araignée, tant en France qu'à l'étranger. J'ai du mal à croire que le patron d'Elf, Pierre Guillaumat, se soit aussi facilement laissé convaincre de financer cette invention. Non, vous avez raison. L'entrejambe de Maître Blanc ne suffit pas. Il faut apporter des preuves. Ouais, une expérimentation, oui. En somme. Hein. Et voilà comment ça se passe. Un avion est équipé de l'appareil de Bonaccioli et Vilgas. Les ingénieurs d'Elf choisissent des sites qu'ils connaissent déjà. Donc où il y a déjà du pétrole. Oui, ça. Et ils font passer l'avion renifleur au-dessus de ces sites. L'appareil des deux inventeurs effectue un sans-faute. Les gisements de pétrole sont détectés et la composition du sous-sol telle qu'elle est décrite par Bonaccioli est exactement semblable à celle que les gens de la compagnie pétrolière ont eux-mêmes repérée. Ah, c'est un succès. On ne pouvait pas en être autrement. Mm-hmm. Ah bon, pourquoi? Parce que l'expérience était truquée. Mais comment alors? Très simple. Au sein d'Elf Aquitaine, une taupe a livré à Bonaccioli et à Vilgas les plans des sous-sols des sites survolés. Donc, dès ce moment-là, les deux inventeurs ont triché. Incontestablement. Mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne saviez pas si c'était des mystificateurs, là. Je pense que cette tricherie, là, donne une réponse immédiate. Hein. Pas forcément. Bonaccioli, parce que c'est lui le véritable technicien, peut avoir triché pour obtenir le contrat avec Elf Aquitaine et donc poursuivre ses recherches. Ouais, moi, je suis pas très convaincu. En tout cas, la présence de cette taupe prouve bien qu'il y a manipulation. À l'intérieur de la compagnie pétrolière, il existe des gens qui veulent absolument que Vilgas et Bonaccioli signent avec Elf. Et c'est ce qui se passe. Peu après cette expérience réussie, le PDG d'Elf Aquitaine signe un fabuleux contrat avec une société créée par les deux inventeurs et domiciliée à Panama. Ouais, Panama, paradis fiscal. On n'est jamais trop prudent. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est que le fondé de pouvoir de cette société n'est autre que notre bon ami Maître Blanc. Ben voilà. Mais vous avez dit fabuleux contrat, hein? Oui. Mmh. Pour l'exclusivité de leurs recherches, les deux inventeurs reçoivent 200 millions de francs suisses, soit 400 millions de francs de l'époque. Une vraie fortune. Et notez bien que cette somme leur est définitivement acquise. Ouais, donc même s'ils ne trouvent pas, ils gardent l'argent. Exactement. Mais est-ce que la direction d'Elf a informé les pouvoirs publics? Naturellement. On n'engage pas de telles sommes sans en référer à la tutelle. Et Guillaumat a personnellement tenu au courant le président de la République. Et qui a donc donné son feu vert. Oui. Et les deux hommes, d'un commun accord, ont décidé qu'une telle affaire devait rester secrète. Il en allait des intérêts supérieurs de la France. À cause de l'importance de la pseudo-découverte. Oui, tout à fait. Et puis j'imagine que Pierre Guillaumat, qui avait été ministre de la Défense, a dû développer un autre argument. Si cette invention permettait la découverte de gisements de pétrole, elle pourrait peut-être aussi avoir des implications militaires. Et lesquelles? La détection aérienne des sous-marins. Une raison supplémentaire pour que le président de la République approuve l'opération. Mmh. Alors le contrat est signé et les inventeurs se mettent au travail? D'abord, ils s'équipent. Et comme l'argent ne manque pas, ils achètent une véritable flotte aérienne. Les fameux avions renifleurs. Oui. Il y a même un Boeing 707 dans cette flotte. Bonaccioli et Vilgas ne se refusent rien. Mais les travaux de prospection avancent, eux? Les inventeurs donnent en tout cas l'impression de chercher. Ils sont très convaincants. Si convaincant même qu'en 1977, un deuxième contrat est signé, toujours avec l'approbation des pouvoirs publics. Et de Giscard d'Estaing. Et aussi Raymond Barre, qui a été mis dans la confidence. Et le fait que la compagnie pétrolière a changé de PDG ne change rien à l'affaire. Elf Aquitaine continue à suivre, comme on dit au poker. Mm-hmm. Et ce nouveau président C'est Albin Chalandon. Ah oui. En 1978, troisième contrat. Il y en a pour plus de 600 millions de francs. Elf Aquitaine a reçu l'autorisation des pouvoirs publics d'emprunter cette somme à l'UBS, l'Union des banques suisses. Cette banque dirigée par un homme qui a justement joué un rôle important dans l'initiation de l'affaire. Oui, à votre avis, c'est pas un hasard? Bien sûr que non. Mais si Elf Aquitaine continue à suivre, comme vous dites, c'est que les deux inventeurs obtiennent quand même quelques résultats. Bonaccioli affirme avoir mis au point un appareil encore plus perfectionné. Et au cours d'une nouvelle expérience au-dessus du golfe du Lion, l'avion Renifleur confirme la présence de 11 gisements. Des gisements qui avaient déjà été préalablement repérés par les ingénieurs de la compagnie. Nouvelle tricherie, donc. Naturellement. Moi, j'ai du mal à imaginer que les dirigeants d'Elf Aquitaine aient fait preuve d'une telle naïveté. C'est qu'ils sont mal informés, ou plutôt désinformés. Dans la myriade de sociétés qui sont créées pour l'occasion afin d'exploiter l'invention et de protéger son secret, grenouillent d'anciens officiers du SDEC. Des gens que j'ai bien connus et qui s'occupaient beaucoup des affaires africaines. Et ils appartenaient à ce service de renseignement interne dont vous m'avez parlé précédemment ? Oui, ce sont ces hommes très influents qui ont brouillé les cartes et persuadé les dirigeants d'Elf Aquitaine qu'il fallait à tout prix poursuivre l'expérience. Pardonnez-moi, mais encore une fois, moi j'ai du mal à comprendre quand de telles sommes sont en jeu quand même. Vous avez raison. Aussi sans doute à l'initiative du nouveau patron, Albin Chalandon, deux jeunes physiciens sont priés de regarder d'un peu plus près les mirifiques appareils de Bonaccioli. Résultat ? Ces scientifiques ne comprennent rien aux explications du professeur Nimbus. À partir de ce moment-là, les dirigeants de la société doivent avoir la puce à l'oreille. Détrompez-vous. Si ces physiciens n'ont rien compris, c'est qu'ils sont trop jeunes, et donc insuffisamment expérimentés. Mais c'est vrai, à partir de là, le soupçon s'installe. Et bientôt, en haut lieu, on va commencer à sérieusement s'inquiéter. Il est grand temps. Le Canard enchaîné a révélé l'affaire en 1983. Et les investigations de ces journalistes ont permis que la vérité, enfin, une partie de la vérité, voit le jour. J'ai retrouvé un des premiers articles consacrés au scandale des avions renifleurs. Il confirme ce que disait M. X sur une éventuelle utilisation militaire de l'invention. Je vous le lis. Nos avions renifleurs devaient aussi détecter les sous-marins nucléaires, et pas seulement, des gisements de pétrole. Malheureusement, ça n'a pas marché. C'est la révélation qu'a faite le lundi 27 juin Gilbert Ruttmann, le numéro 2 d'Elf, devant une brochette d'analystes financiers et de journalistes. Cette conférence de presse faisait suite aux récentes révélations du Canard. La semaine dernière, en effet, nous avons longuement vanté les possibilités de ces merveilleuses machines volantes bourrées d'électronique, mais nous étions encore loin du compte. On comprend mieux maintenant pourquoi le groupe pétrolier s'est fait piéger pendant 4 ans, de 1975 à 1979, et a perdu 100 milliards de centimes dans cette malheureuse histoire. Ces avions ne devaient donc pas seulement détecter de nouveaux gisements de pétroliers, ils devaient aussi défendre la France. Le patron en second du groupe pétrolier s'est étonné du bruit fait autour de cette affaire et il a apporté d'autres précisions. Les avions renifleurs utilisaient des découvertes de physique nucléaire. Ils envoyaient des groupuscules pour trouver du ciel les secrets du sous-sol. Si c'était à refaire, je le referais, a conclu Gilbert Ruttmann. Parole d'ingénieur, un jour, ça marchera, paraît-il. Et Ruttmann s'est référé à l'expérience des Russes pour justifier l'erreur d'Elf. Il paraît en effet que les Soviétiques dépensent beaucoup d'argent en avion renifleur. Il a fallu 5 jours au grand pont d'Elf après la publication du Canard pour mettre au point leur réponse, dur de reconnaître qu'on s'est fait arnaquer. Dans ce milieu, mieux vaut passer pour un JR que pour un gogo. Ainsi se termine l'article du Canard enchaîné. Au printemps 1979, dans le plus grand secret, une expérience est organisée à l'intention du président de la République en personne. En personne. Et dans quel but ? Au ministère de l'Industrie, mais aussi à la direction d'Elf Aquitaine, on commence à avoir des doutes. Et on veut se couvrir. Giscard d'Estaing assiste donc à une expérimentation en direct. Oui, et ça marche. Encore une tricherie ? Certainement. Et comment réagit le président ? Bien, il y a deux versions. D'après les inventeurs, Giscard d'Estaing se déclare convaincu de l'efficacité des appareils miraculeux de Bonaccioli. Mais plus tard, lorsque le scandale éclatera, Giscard rendra publique une note qu'il a écrite après cette expérience et où il exprime ses doutes et même sa crainte de se trouver devant une escroquerie. La vérité, je ne la connais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'après l'expérimentation présidentielle, les événements vont s'accélérer. Mais c'est-à-dire ? La direction d'Elf, sur injonction du ministre de l'Industrie, gèle les versements d'argent. Les deux inventeurs poussent des cris d'orfraie. Si on n'a plus confiance en eux, ils vont vendre leur invention à la concurrence. Oui, c'est la classique, c'est le chantage. Hein. Oui. Ouais. Mais Elf Aquitaine ne cède pas. D'autant qu'une recherche pétrolière effectuée en Afrique du Sud, grâce aux miraculeux avions renifleurs, se traduit par un véritable désastre. Ah, racontez ça. Eh bien, Bonaccioli et Vilgas affirment avoir repéré un important gisement pétrolier. Aussitôt, des forages sont effectués. Mais il n'y a pas de pétrole. Et Elf perd dans l'affaire une bonne centaine de millions. Autre chose, la Cour des comptes commence à s'intéresser à ces sommes faramineuses qui ont été versées aux inventeurs. Ça sent donc le brûlé, hein? Oui, et l'homme qui va asséner le coup de grâce est un scientifique, un savant incontestable. Le professeur Horowitz, directeur du CEA. À la demande du ministre de l'Industrie, il va tester lui-même l'appareil magique de Bonaccioli. Et comment va-t-il procéder, lui? Oh, d'une façon très simple. Il va prendre les deux mystificateurs à leur propre jeu. Ah bon, expliquez. Pour prouver l'efficacité de son invention, Bonaccioli a l'habitude de procéder ainsi. Il dispose un objet derrière un mur, puis il braque son appareil sur le mur, et l'image de l'objet apparaît sur l'écran. L'expérience se déroule donc devant Horowitz. L'objet choisi est une simple règle. Bientôt, l'image apparaît sur l'écran de l'appareil. Bonaccioli triomphe, pour peu de temps, car le facétieux professeur Horowitz a pris soin de tordre la règle avant de la disposer derrière le mur. Or, l'image qui est révélée sur l'appareil de Bonaccioli est celle d'une règle bien droite. La supercherie est dévoilée. C'est assez amusant, oui. Et comment alors Bonaccioli avait-il triché? En disposant une simple photographie de la règle devant son appareil. Aussi simplement que ça. Donc il est démasqué, lui et son complice Vilgas, là. C'est... Oui, ouais. Et le souci des autorités, mais aussi de la direction d'Alpha Aquitaine, va être double. D'abord, essayer autant faire que se peut de récupérer l'argent disparu, et ensuite, garder un secret absolu sur cette malheureuse affaire. La peur du ridicule. Oh, pas seulement. Ah bon. L'enquête menée par la Cour des comptes révèle des pratiques coupables au sein de la compagnie pétrolière, et met en cause la légèreté des pouvoirs publics. Il convient donc de garder le silence. Et le premier ministre de l'époque... Vraiment barre, hein? Oui. Mmh. Il exige d'être l'unique destinataire du rapport de la Cour des comptes. Et lorsque le premier président de la Cour des comptes prendra sa retraite, celui-ci prendra bien soin de détruire l'exemplaire qu'il possédait. Mmh. Malheureusement, comme vous le savez, un journaliste trop curieux tombera presque par hasard sur l'affaire. Un Pierre Péan, je crois, hein? C'est exact. Mmh. Et le scandale deviendra donc public. Mais l'argent, alors, hein? A-t-il été récupéré? Une partie, oui. Mais des centaines de millions ont disparu à jamais. Pas perdu pour tout le monde, j'imagine. Ben, forcément, et c'est la clé de cette affaire. La clé. Maître Blanc n'est pas un plaisantin. Quand ce vétéran des services secrets est mis en contact avec Bonaccioli et Vilgas, il comprend très vite qu'il a affaire à deux fumistes. Mais comment... Il fait ce qu'auraient dû faire les dirigeants d'Elfe. Il fait rapidement une petite enquête dans les milieux scientifiques, et il apprend que ces pseudo-inventeurs n'ont jamais rien inventé, jamais rien publié, et qu'aucun chercheur sérieux n'a entendu parler d'eux. Oui, et pourtant, c'est grâce à Maître Blanc, là, comme vous l'appelez, qu'ils vont accéder au patron d'Alpha Aquitaine. Oui, parce que l'avocat a, pardonnez-moi, reniflé la bonne affaire. Reniflé. C'est de l'escroquerie, ça, hein? Bah, appelez ça comme vous voulez. Blanc est au confluent de plusieurs cercles politiques discrets et influents. Et quel genre de cercle, exactement? Des endroits où se rencontrent des gens qui ne sont pas forcément des démocrates convaincus. Extrême droite? Des ultra-conservateurs, en tout cas. On y trouve des agents de renseignement, des hommes politiques, des industriels, et beaucoup, mais vraiment beaucoup d'ecclésiastiques. Certains des membres de ces cercles seront d'ailleurs compromis plus tard dans le scandale de la loge P2. Puis il y a aussi l'inoxydable. Ah, l'inoxydable, c'est Giulio Andreotti. Oui, cet homme qui n'a cessé de hanter les coulisses du pouvoir italien et qui est maintenant jugé à cause de ses liens avec la mafia. Et quel est le but poursuivi par tous ces hommes-là? Officiellement, la défense du monde occidental. Mais officieusement, il s'agit en réalité d'une entreprise quasi-mafieuse. Et on retrouvera ces cercles dans tous les scandales qui ont secoué l'Italie. La banqueroute de la banque Cambrosiano, le faux suicide du banquier Roberto Calvi, et bien sûr, l'affaire de la loge P2. Donc si je me suis bien, hein, Blanc et ses acolytes ont vu dans la pseudo-invention de Bonaccioli et Vilgas un simple moyen de gruger Alpha Aquitaine. Et de financer leur activité occulte, oui, voilà la vérité. Mais les ecclésiastiques, là, que venaient-ils faire dans cette affaire? Au Vatican aussi, il y a des mafieux. Souvenez-vous du cardinal Martin Kus. Alors c'est vrai, des religieux français en particulier, mais ils étaient soutenus par de hauts personnages de l'Église, ont joué un rôle dans cette affaire. Parce qu'ils représentaient une garantie morale? Certainement. Sinon, pourquoi ces hommes d'Église auraient-ils été présents lors de la signature de certains contrats passés entre les inventeurs et Alpha Aquitaine? Étrange, non? Une dernière question, là. Que sont devenus les inventeurs? Ils ont continué, chacun de leur côté, à perfectionner leur prétendue invention. Oui, ils ont continué à délirer, c'est ça? À peu près, oui. Il faut d'ailleurs reconnaître que Bonaccioli n'a presque rien gagné dans l'affaire. Quant au comte de Vilgas, aux dernières nouvelles, il se trouvait quelque part en Amérique du Sud et il les faisait construire de coûteuses pistes d'aviation pour accueillir l'arrivée prochaine des extraterrestres. Cette affaire révélée par le canard enchaîné a provoqué un beau tumulte politique. Voici par exemple ce que je lis dans l'Encyclopédia Universalis de 1983. Henri Emmanuelli, secrétaire d'État au budget, interrogé le 21 décembre à l'Assemblée nationale sur cette affaire, qualifie de forfaiture la destruction en octobre 1982 par Bernard Peck, ancien premier président de la Cour des comptes, des exemplaires qu'il détenait d'un rapport confidentiel établi en 1981 par un magistrat de cette cour à la demande de Raymond Barre, alors premier ministre. Tandis que la presse publie de nouvelles informations qui révèlent l'ampleur du scandale financier, l'affaire prend un tour politique et une polémique s'instaure sur l'attitude des responsables de l'État de l'époque. Le 22, sur Antenne 2, Valéry Giscard d'Estaing présente un exemplaire du rapport de la Cour des comptes devant les caméras et accuse le pouvoir de répandre des rumeurs et des calomnies. Il déclare qu'il ne tolérera ni qu'on mette en question son honneur personnel, ni qu'on prenne le risque honteux de l'abaissement de la France. Le 23, Raymond Barre s'élève contre ce qu'il appelle une opération politique basse et indigne et fait remettre un exemplaire du rapport en question à Pierre Mauroy. Le 28, Albin Chalandon, ancien président d'Alphaquitaine, demande au président de la République de mettre fin à cette misérable querelle. Le président Mitterrand entendra son prédécesseur puisqu'il interviendra personnellement pour éviter à Valéry Giscard d'Estaing d'être entendu par la commission d'enquête parlementaire. Enfin, d'après le journaliste du Monde, Laurent Grésalmeur, ce sont 380 millions qui ont été définitivement perdus par Elf dans cette affaire. Une affaire où, écrit le journaliste, le rôle des services secrets et de certains ecclésiastiques a été particulièrement ambigu. À samedi prochain. Merci à Patrick Pénault.